Marianne Denicourt lit Monsieur Proust, de Céleste Albaret. Savoir quand et combien d'heures Monsieur Proust travaillait est aussi difficile à dire que de répondre à la question « quand dormait-il ?» Je me suis toujours demandé s'il prenait jamais du sommeil. Il se reposait, oui, il somnolait sûrement. Mais quant à abandonner complètement sa veille, aux heures où le silence régnait dans l'appartement, soit qu'il se reposât ou qu'il travaillât, je l'ignorais, on n'avait le droit de s'approcher d'aucune porte. On ne pouvait pour ainsi dire pas bouger, il entendait tout. Quand on pense à l'état dans lequel je le voyais à son réveil, au sortir de sa fumigation, on se demande où il puisait la force de cette puissance de travail. Non seulement il ne mangeait pas, mais c'était fatigue sur fatigue. Quand, comment, avec quoi se réparait-il, comme on dit? C'est un mystère. La seule réponse est qu'il prenait sans arrêt sur la substance même de son être et de sa vie. Et depuis son enfance, il en avait toujours été ainsi. Quand il n'observait pas, il écrivait. À Illier, c'était dans le petit pavillon du Précatelan. À Paris, chez ses parents, quand des amis venaient, ils le trouvaient dans la journée, assis avec ses cahiers et ses livres à la table de la salle à manger. Et très tôt, chez ses parents, il a commencé à écrire la nuit dans sa chambre en rentrant des soirées ce qu'il avait emmagasiné. Tout jeune, il engrangeait déjà. Il travaillait assis alors. Maintenant, c'était au lit. Il écrivait en tenant son livre à la main, avec un encrier et un plumier très simple, un plumier d'écolier. Il en avait peut-être 15. S'il en tombait un, on ne le ramassait pas, fallait en prendre un autre, à cause de la poussière. Il n'était pas maniaque, non, non. Il était, comment dire, méticuleux. Il écrivait vite, ouh! Le soir, quand j'arrivais, il était épuisé. Ah, Céleste, je suis fatiguée, Céleste. Il appuyait comme ça sur les F. Je suis fatiguée. Mais regardez, 1, 2, 3, il me montrait les pages qu'il avait écrites. Ce soir, ça a très bien marché, vous savez, j'ai bien travaillé. C'est pas mal du tout ce que j'ai écrit. Je suis assez contente, moi. Alors j'étais contente aussi, et toute fière de le voir heureux. D'autres fois, il me disait que ça valait rien. Je suis pas contente, moi. Pourquoi, monsieur? Non. Il ne prolongeait pas. Les pages étaient devant lui, couvertes de ratures, et cette fois-là, il ne me les tendait pas. « Eh, monsieur, ça ira mieux demain. » Et son regard me caressait d'un tel remerciement. Que oui, la récompense était d'être là, près de lui. L'une de mes fiertés est de l'avoir tiré d'affaire dans le problème de ses ajouts. Il ajoutait sans cesse en corrigeant. Un jour, il m'appelle, j'arrive, et il me dit « Ouh, il faisait ça !»« Ouh, comme je suis ennuyée, ma chère Céleste, je suis à bout d'ennui. » « Mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur ?»« Eh bien, toutes mes marges sont pleines, et j'ai encore des corrections à faire, beaucoup de choses à ajouter. Je ne sais pas comment m'en tirer. » J'ajouterai bien des feuillets volants, mais quand tout cela ira chez le typographe, il va en mettre partout, et s'y perdre, ça n'aura plus aucun sens. « Oh, comment faire ?» Ah ben monsieur, si c'est ça, c'est pas difficile. Et comment, Céleste, ce n'est pas difficile? Mais bien sûr, monsieur, ce n'est pas difficile. Vous allez écrire tous vos feuillets volants, mais vous me laisserez un petit bout de blanc en bas. Et moi, je vous collerai bien adroitement le feuillet et nous le replierons. Le typographe qui arrivera là sera bien obligé de déplier votre ruban et de prendre les phrases à la suite. Oh, mais ce n'est pas possible, mais comme je suis content! Vous croyez que vous pourrez faire ça? Chère Céleste, je suis sauvée. Mais une joie, vous savez, vraiment incroyable. Il était si heureux qu'il a raconté autour de lui que j'étais une femme extraordinaire, que j'avais résolu son problème, que je collais ses feuillets et que ça ne se voyait pas. C'est comme ça que les cahiers de manuscrits ont gonflé. Il y en a un célèbre que l'on a montré dans des expositions et qui a un ruban de ce genre replié en accordéon. Déplié, il fait 1,40 m. À mon avis, son œuvre était construite dans des cahiers qui étaient là quand je suis arrivée. Il y en avait 32, empilés comme ça, bien droit sur le coin de sa commode. C'était haut comme ça, hein, parce qu'ils n'étaient pas très minces. Vous me passez le numéro un tel, vous me passez le numéro... Il n'y en a plus trace. pour la raison qu'il me les a fait détruire au fur et à mesure. Bon, maintenant, Céleste, vous pouvez les brûler. Bien, monsieur. Alors je les ai brûlés. Je les ai mis dans la cuisinière. Je crois que la dernière fois, j'en ai brûlé 3 ou 4 d'un coup. Un jour, il m'a dit, « Céleste, est-ce que vous les brûlez, mes cahiers ?» Avec son petit air innocent, là, mais en me fixant. « Monsieur, si vous me manquez de confiance, pourquoi m'en chargez-vous ? Si vous le dites, je le fais. Mais si vous en doutez, pourquoi ne le faites-vous pas vous-même ? Allons, Céleste, je plaisante, je sais que vous les brûlez. » Il ne voulait pas me fâcher. Pour moi, c'était un amusement et un plaisir d'être complètement emprise et intégrée dans son travail. Je n'avais aucun mal à sourire comme la Joconde. J'étais gaie comme une fleur des prés. Je trouvais la vie chez Proust une merveille. Je n'ai jamais eu une vie aussi heureuse que chez lui parce que tout m'enchantait. J'avais le désir d'aller au-devant de ce qui lui faisait plaisir. Quand il voulait un livre, avant de me l'avoir demandé, j'avais vu par son œil qu'il le voulait. « Oui, monsieur, j'ai vu ce que vous voulez, voilà. » « Mais Céleste, comment avez-vous fait pour le deviner ?» J'aurais été bien en peine de l'expliquer, vous savez. Je le suivais tellement, j'étais en prise dans cette affaire, alors il me trouvait commode, évidemment. Et puis j'étais jeune, j'étais comme une espèce de fleur bleue, je lui renvoyais ma réflexion naturellement, alors il riait. Je l'amusais. Et moi qui ne savais rien faire, et c'était vrai, il avait raison, je suis restée pour toujours. Je suis devenue presque indispensable. Indispensable, c'est beaucoup dire. Quoi qu'il l'ait dit à mon mari, il lui a dit « Si Céleste part, je ne pourrai plus écrire. » Fallait voir, j'étais intégrée dans son travail, à l'affût des petites choses, de ses petits papiers. Il y en avait des comme ça où il y avait une note. Et il ne fallait rien égarer, il ne rangeait rien. L'étrange est que sur le moment, je ne l'ai pas vraiment cru. J'ai pensé qu'il voulait me garder principalement pour la commodité de ne rien changer à ses habitudes. Mais je suis restée. Aujourd'hui, je ne le regrette pas. C'était Monsieur Proust de Céleste Albaret. Extrait lu et choisi par Marianne Denicourt. Enregistrement, montage et mixage, Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Pascal Deux. Souvenirs recueillis par Georges Belmont et publiés aux éditions Lafon.